La seule différence entre ces deux situations, c'est la ligne. Dans le cas numéro 1, elle est continue. Il est donc interdit de la franchir, donc impossible de dépasser le tracteur. Dans le cas numéro 2, il s'agit d'une ligne de dissuasion, donc franchissable pour dépasser un véhicule roulant lentement. La visibilité vers l'avant est suffisante, je peux dépasser. Réponse B et C.